monde écoute. Tout s'achète, tout se vend. Les idées et les chants. Tout s'achète, tout se vend. Le vent, la dignité. Tout s'achète, tout se vend. Vas-y, y'a qu'à se baisser. Combien toi? À partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute. Tout se vend. C'est pas mal ça. Faut voir combien qu'elle mesure, c'est pas mal ça. Essaye Ah merde, je crois que c'était à toi.